après le JT, je m'installe sur le canapé. Ça y est, je suis prêt à zapper pour me retrouver sur Arte. Pour essayer d'oublier une journée trop banale, je n'allais quand même pas me prendre un abonnement à Canal. Les soirées sur Arte, il faut s'y préparer. Toujours bien à l'avance, tout organisé. Ne jamais oublier qu'il n'y a pas de publicité. Jamais un seul moment pour préparer son thé. Soirée thématique sur la culture asiatique, les reportages en noir et blanc sous-titrés en allemand, quelques vieilles images sur l'art du Moyen-Âge, l'économie autrichienne au sein de l'Union Européenne. Les soirées sur Arte, c'est un moment à ne pas louper, un petit havre de paix, un moment privilégié, on oublie TF1, la météo de Laurent Romeshko. Les jeunes chanteurs laissés là dans un château. Les soirées sur Arte, c'est difficile de les oublier. Des émotions partagées pour ceux qui aiment le vieux ciné. La vie de John Wayne, Ronald Reagan en cow-boy fringant. Il suffit de se laisser bercer sur Arte. Avoir zappé sur les chaînes non câblées, on se demande souvent ce qu'il y a sur Arte. Sorte de dernière chance pour une soirée télé, une dernière chance pour une chaîne oubliée. Il ne faut quand même pas totalement exagérer. Bien sûr que dans d'autres soirées, je me suis déjà mieux éclaté. Quand je me fais inviter au resto ou au ciné, je ne vais tout de même pas rester seul devant Arte. Des soirées thématiques sur la bière en Belgique, des reportages fascinants sur les cinq continents, quelques vieilles images sur l'histoire des barrages, la suprématie stalinienne au cœur de l'histoire européenne. Les soirées sur Arte, c'est un moment à ne pas louper, un petit havre de paix, un moment privilégié, on oublie TF1. Les commentaires de Jean-Michel Larquet et toutes les soirées spéciales bêtisier. Les soirées sur Arte, c'est difficile de les oublier. Des émotions partagées pour ceux qui aiment le vrai ciné. La vie de James Dean, Belmondo en jeune héros. Il suffit de se laisser bercer sur Arte. Bercé. Je n'ai jamais vu la deuxième partie de soirée sur Arte.